La délégation du ministère des chemins de fer, conduite par son ministre Zhang Xiu, a quitté le 31 mai Pyongyang par train pour participer à la 45e conférence ministérielle de l'Organisation de la coopération des chemins de fer prévue à Sochi, Russie.